fragiles, tous vulnérables. Il n'y en a pas un qui souffre pas. On est tous mal dans le fond. Fragile. Fragile. L'important, croire en soi malgré les défaites. Avancer dans le brouillard, regarder sans ses mirettes. Écouter son cœur, c'est dur quand le mal nous parle. On suit souvent son chemin en pensant que c'est l'idéal. La facilité, c'est la réponse pour laquelle on opte. On laisse le temps faire, on préfère dormir comme des marmottes. Combien se prennent la tête et croient vraiment en ce qu'ils rêvent. Vont à fond dans leur but face aux obstacles, se relèvent. Les gens n'ont plus de volonté, hélas, suivent le mou. En réalité, c'est dans l'impasse que l'on se retrouve. Sans militer, pas d'avis de force, ni d'aboutissement. Y'a plus de vie bombe, le thirst pour aller vers l'accomplissement de tous tes objectifs, faut pas douter. Sois sûr de tes projets, le pif, le vois pas en priorité. Cette motivation, c'est pas ce qui t'orientera vers l'élévation. Même l'élévation, novice, l'accélération. Mon fils, c'est pas ce qui te fera avancer. Si t'as pas enclenché de vitesse, tu pourras jamais te lancer. En clair, traîne pas trop où c'est obscur. La lumière vient de ton cœur, seule la vérité nous rassure. Un keuf qui voulait devenir médecin ne fera jamais bien son métier. Un médecin qui voulait devenir keuf va mal t'ausculter. Un keuf qui voulait devenir keuf n'aura jamais mon amitié. Fais ce qui te plaît sans te forcer, se mentir c'est s'écorcher. Ne dis jamais ce que tu ne penses pas, mais ne dis pas toujours ce que tu penses. La vérité n'est pas toujours bonne à lance bas. Tu peux blesser et même détruire avec une roll pas. Moi je rigole pas, je te fais seulement part de ma version. Je m'en fous des rimes, des bluffs, je te déclare ma vision. Ce que tu penses après ce n'est plus de mon ressort. Apprécié ou pas, moi j'ai ni raison ni tort. J'ai tant de phrases, tant d'avis à partager. J'ai pas non plus la prétention de tout changer. J'ai déjà songé à un monde où la haine ne sévirait plus, où tout le monde porterait son aide. Mais ma main inconnue, c'est pourtant simple. Et même écrit sur leurs pièces, mais leurs belles paroles sont des mensonges inventés de toutes pièces. Genre de là où ça ment, où ça engraine, où ça t'insulte. Ou pour une clope, on peut traiter ta mère de pute. Une vie malsaine, question. L'ai-je mérité, je ferai pas de blasphème. Poliment, je te répondrai qu'on est seul. On est seul. Qu'on est seul face à soi-même. Et si tu suis les autres, fais bien gaffe où ça te mène. C'est triste, ça t'emmène de plusieurs points la bataille. Même avec ses belles paroles, je suis toujours pas à sa taille. Influençable, comme les autres, je suis faible. Mais j'ai la force de le reconnaître, honnête. Envers moi-même, beaucoup se vanteront. Devant les meufs, mentiront. Amoureux des bluffs, y'en a qui ront. Avec leur sincérité, petite affirmation. Sur cette route, ta vie t'es censée rater. J'suis déjà passé par des chemins, j'ai une certaine expérience. J'ai fait des fautes, des choses bien, mais plus de mauvaises quand j'y pense. Confession, et encore mon pote j'en dis peu, ouais j'en dis peu, j'suis encore en vie. Mais j'sais même plus pourquoi je respire. Des fois je voudrais me noyer dans la tisse, mais bon je respire. J'ai trop d'amour propre pour devenir une navette. Même si ça va vite, j'garde le contrôle de la manette. J'ai assez de carburant pour diriger la navette. Même si la vie c'est compliqué, t'inquiète mec, on fait avec la tôle. Bien sûr que j'ai peur d'y retourner. Je veux pas passer mes nuits dans mon lit à me retourner. La liberté, ça vaut beaucoup plus que des millions. La vérité, c'est mon nouveau compagnon sorti du CJD. Dans ma tête j'ai fait le ménage. C'était peut-être la première fois où j'ai fait marcher mes méninges. Une direction, c'est ce qui te permet de pas dévier. Je repense à mon père qui m'a première pierre achetée dans l'évier. Où j'allais hein, ça y'a personne qui savait. En tout cas mes parents, ils m'ont pas mal sollicité. Mais bon tu sais quand t'es môme, tu fais souvent le contraire. Je me sentais seul sur terre, de plus j'avais pas de grand frère. J'sais pas, mais je me suis jamais senti comme tout le monde à 11 ans. Je me suis marié avec les blondes, 13 ans. C'est au shit que j'ai succombé. 14 tease et la suite mec tu la connais. Quand t'es dans la rue toutes les erreurs que tu commets, tu finis vite par être paumé. Aujourd'hui seul face à moi-même, sans boussole, mais je veux esquiver la haine. Avec la rue je pensais durcir mon cœur semaine par semaine. Mais il est fragile comme une tasse en porcelaine. Aujourd'hui seul face à moi-même, sans boussole, mais je veux esquiver la haine. Avec la rue je pensais durcir mon cœur semaine par semaine. Mais il est fragile comme une tasse en porcelaine. L'important, croire en soi malgré les défaites. Avancer dans le brouillard, regarder sans ses mirettes. Écouter son cœur, c'est dur quand le mal nous parle. On suit souvent son chemin en pensant que c'est l'idéal.